Vendredi 14 mars 2014, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes, Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour parler du 9e art sous différentes facettes et une édition qui sera peut-être un peu plus consacrée à la sphère du manga, de la japanimation, de l'animé, à la sphère également de l'illustration jeunesse que traditionnellement. Alors on va lorgner un peu dans des univers qu'on met malheureusement un peu trop de côté au fil des éditions. Alors un espèce de spécial rattrapage là-dessus si l'on peut dire. Alors on aura l'occasion en deuxième partie d'échanger avec l'illustratrice jeunesse en résidence présentement à Québec, Laurane Kentrick, illustratrice bordelaise. On parlera de son travail, on parlera de ses récentes publications, donc quelques-uns qui sont du côté des 400 coups, un ami, ça s'appelle. Alors, on discutera avec elle de son travail, du travail d'illustratrice, de son approche graphique, donc on apprendra à la connaître. Et évidemment, on se questionnera aussi sur ce qui l'amène à Québec et les projets sur lesquels elle a choisi de venir ici au pays pour travailler. Également, en première partie d'émission, ce sera plus le côté manga japanimation qui sera exploré à travers l'événement Nadeshikon, donc édition 2014 qui s'en vient dans quelques semaines, en fait du 4 au 6 avril. On portera un regard sur la programmation, on portera un regard également sur des éléments liés à la culture qui est mise de l'avant au fil de cet événement, notamment à travers le cosplay. Alors ça, c'est le menu pour aujourd'hui, avec également au fil de l'émission divers clins d'œil, évidemment. Et sinon, côté actualité, quelques éléments à surveiller, notamment l'idée de lire des bandes dessinées sur écran, le casque sur les oreilles. On nous dit pourquoi pas. C'est le pari que fait le studio Marvel, qui a annoncé l'intégration du système Adaptive Audio dans certains comics numériques qui sont diffusés présentement via leur application Marvel Unlimited. Alors, on parle de musique et de divers sons en adéquation avec ce qui se passe dans la BD. C'est ce qu'essentiellement devrait proposer donc l'éditeur américain, qui précise par la voix de Kristen Van Vincent, leur vice-présidente, qu'il s'agit, et j'ouvre les guillemets, vraiment d'un outil narratif et non simplement une musique qui joue en arrière-plan. Alors l'idée, ce serait de permettre à cette bande-son de s'adapter au rythme de lecture de l'utilisateur. Alors de quelle manière, évidemment, sera-t-on en mesure véritablement d'évaluer le rythme de lecture? Est-ce qu'on ira avec justement une présentation plutôt que case par case, que planche par planche, donc pour s'assurer vraiment qu'il y a adéquation avec le lieu, l'endroit où les yeux regardent? De quelle manière sera faite cette intégration? Est-ce que ça sera fait avec succès? Ce sera intéressant à suivre. Évidemment, on parle beaucoup d'approches et de passages vers le numérique pour la bande dessinée et la littérature et le magazine et le reste. Et à mon sens, reste que la clé est effectivement cette idée de proposer une expérience qui dépasse le gadget et qui véritablement profite des possibilités d'intégration qui y sont liées. Alors, est-ce que ce sera le cas avec ça? Dossier à suivre, mais évidemment, ça me semble quand même un pas dans une bonne direction. Autre nouvelle, on parle du groupe Delcourt qui vient de nommer Patrice Margotin au poste nouvellement créé de directeur général. Alors, Monsieur Margotin, qui était responsable marketing chez Nestlé, qui a fondé une société également dans le domaine de l'édition numérique avant de rejoindre Gallimard en 98. Il a créé notamment le département marketing du groupe, a relancé ensuite et dirigé les éditions Futuropolis. Alors, ce serait intéressant de voir quel sera son apport au fil des prochains mois, des prochaines années chez Delcourt, puisqu'on sait qu'il travaillera en étroite collaboration avec le dirigeant Guy Delcourt à la gestion, au développement et à la stratégie de l'ensemble du groupe Delcourt. Alors évidemment, là-dedans, on pense évidemment à Delcourt, à Soleil, à Delsol Diffusion également. Alors voilà, donc petit changement d'axe peut-être à surveiller. Et sinon, dernier notule avant d'aller en musique, alors que le personnage de Tintin tombera dans le domaine public en 2053, soit 70 ans après la mort de Hergé, Casterman et Moulinsart, la société qui gère l'exploitation commerciale de l'œuvre d'Hergé ont décidé de prendre les devants et publieront donc une version version en partie inédite de l'album Les Sept Boules de Cristal. Alors, ça s'appellera La Malédiction de Raspar Capac. Donc, 30 000 exemplaires qui seront diffusés du côté de l'Europe. Un album qui, sur la page de droite, proposera l'intégralité de l'histoire originale telle que parue en noir et blanc et en strip dans le quotidien belge Le Soir en 1943-1944. Et sur les pages de gauche, le tintinophile Philippe Godin évoquera le contexte historique, les innombrables recherches de Hergé et l'implication d'Edgar P. Jacobs dans la création de cette aventure, croquis et détails et documents d'époque à l'appui. Alors voilà pour ces clins d'œil d'actualité. Et maintenant, ben, on s'en va en musique. Alors, pour la sélection musicale de cette semaine, eh ben, évidemment, comme à notre habitude, on reste dans la sphère de la 8-bit. Et en musique, ce sera la formation Fatum Black avec un album qui s'appelle Platformers. On écoute immédiatement un premier extrait qui s'appelle Press X to Lose. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous trouver sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD. Vous pouvez également écouter les émissions sur notre blog, donc en balado diffusion à lavieenbd.wordpress.com. Et maintenant, on porte un regard sur un événement qui s'en vient donc dans quelques semaines. Il s'agit de l'édition 2014 du Nadeshikan qui aura lieu du 4 au 6 avril prochain au pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Et pour nous en parler, pour nous présenter l'événement, on est en compagnie de son responsable des communications qui est également l'un des fondateurs de l'activité. Donc, Maxime Girard, bonjour. Bonjour à vous. Et cinquième édition d'ailleurs pour Nadeshikan, et j'ai l'impression que ça évolue de manière assez rapide. On parlait, je pense, l'année dernière d'à peu près quoi, 1100 personnes qui s'étaient présentées, alors que ça avait commencé en 2010 avec un simple dîner culturel. Donc c'est vraiment, ça a beaucoup progressé comme événement. En 2010, il y avait environ 250 personnes qui ont assisté. Il y avait quelques ateliers, quelques conférences. C'était uniquement le grand salon qui était loué au pavillon Maurice Pollack. Et maintenant, c'est rendu Maurice Pollack, Desjardins, toutes les salles au complet de réservées, que ce soit la salle Hydro-Québec, le Cercle, plusieurs salles de panneaux, de la projection, etc. Donc, vous occupez tout l'espace parce que la demande est là, parce que de plus en plus, dans le fond, les gens sont appropriés l'événement, du moins les gens intéressés par la culture japonaise, dans le fond, à Québec. Oui, l'appropriation des festivaliers, c'est principalement faite à travers les panels, les conférences et ateliers, où est-ce que les amateurs et les professionnels peuvent prendre 1 heure à 2 heures pour démontrer un art, un intérêt, etc. Oui, parce que dans le fond, c'est assez varié. Bon, pour situer, quand on parle du Nadeshikan, on parle de la culture japonaise au sens large, donc autant du côté traditionnel que de la culture pop, autant du côté du manga, de l'anime, du jeu vidéo, etc. Donc, c'est très large. Oui, au niveau pop, on a par exemple le cosplay, qui est un phénomène extrêmement populaire et qui se développe de plus en plus en Amérique du Nord. Inspiré de l'Amérique du Nord et très développé au Japon pour ce qui est des personnages d'animé japonais, des gens qui se costument dans des personnages d'animé, que ce soit par les dessins animés japonais ou les jeux vidéo. Même des fois, les séries aux États-Unis, c'est les super-héros, les comic books, etc., l'équivalent ici en Amérique du Nord. Sinon, aussi, au niveau populaire, il y a les dessins animés, les mangas. On a une idole japonaise qui va venir à notre festival Moon Kana, directement du Japon, qu'on a payé son billet d'avion pour qu'elle puisse faire une performance, une exclusivité, une première au Canada. Et il faut dire, en fait, c'est un univers quand même assez particulier. Ce qu'elle propose, en fait, beaucoup axé sur justement une certaine imagerie, sur des poupées, une imagerie très pop, très Lolita aussi, côté Japon. Oui, elle fait elle-même ses propres vêtements, elle chante, elle danse, elle écrit ses propres chansons. Au niveau aussi populaire, à part la mascarade, on a aussi... il y a l'orchestre de jeux vidéo à Montréal qui va être présent à notre festival. Ça va être la version de poche, donc une quinzaine de musiciens. Ça va être samedi en fin de soirée à 21h. Donc, tous ces aspects-là, et encore plus, c'est l'aspect pop. Au niveau traditionnel, on a l'ensemble Matsutake, dimanche, qui va faire une performance, que ce soit avec l'instrument le koto, un peu une harpe sur le long, le shamisen, un peu comme un banjo plus... allongé, plus ovale. La flûte, je pense, c'est bouddhiste, une genre de flûte en bois. Et il y a aussi un chant très criard, un peu comme les geishas, que j'ai fortement apprécié l'année passée, donc on les a réinvités. Il y a Komachi Montréal qui vont faire de la danse traditionnelle, où ce que les gens, il y aura même un atelier de danse où ce qu'ils pourront apprendre activement à danser. Vous allez probablement me voir là si jamais vous passez, si vous êtes curieux de me croiser. Et aussi, au niveau traditionnel, il y a la cérémonie du thé, organisé en partie par Masami Gauvin, qui organise une association Amitié Québec-Japon, le Nouvel An, une fois par année, aussi en mi-janvier, fin janvier, et la calligraphie, entre autres. Et ça doit être en fait une certaine gymnastique, j'imagine, pour jongler entre tous ces aspects qui appartiennent à une même culture, mais qui attirent, j'imagine, aussi des publics quand même différents et le reste. Donc, comment on jongle, comment on assure l'équilibre à l'intérieur d'une programmation comme ça? Pour l'instant, c'est la question qu'on se pose constamment, parce que les gens qui sont costumés, c'est quasiment 80% des festivaliers. Pourtant, il y a quand même une bonne population qui est intéressée à la culture plus traditionnelle, puis ces gens-là peuvent des fois faire comme, c'est quoi ces gens-là qui sont costumés, on veut pas nécessairement être là. Mais en même temps, c'est une partie de la culture, donc c'est simplement de les donner les horaires précises pour qu'ils puissent quand même assister à ces aspects-là traditionnels. Oui, puis en même temps, je trouve intéressant quand même l'idée aussi de faire le pont entre les deux aspects, entre le côté très pop, le côté très traditionnel, parce que d'une certaine façon, dans l'évolution et dans la nature de la culture japonaise, ben l'un est sorti de l'autre. En fait, il y a eu une progression historique et le reste, donc de pas limiter la culture japonaise à simplement ces éléments plus plus populaire, justement, plus présent dans l'imaginaire collectif, mais aller chercher les autres aspects aussi, qu'ils sont aussi, mais différemment présents dans l'imaginaire des gens. Ben, en même temps, le manga, ça a été inspiré en partie par l'Europe, par des étangs, par même Van Gogh, entre autres, a inspiré un peu les mangas, les Japonais, les mangas, et c'est Osamu Tezuka, un des premiers, le père du manga, qui a vraiment parti le phénomène, qui a popularisé la chose, puis qu'aujourd'hui, il y a des gens qui le considèrent un peu comme un dieu du manga, même. Oui, puis en fait, en termes, si on regarde simplement les statistiques de lecture, je pense que c'est les séries manga qui trônent, que ce soit en Europe, en Amérique et ailleurs, au sommet des palmarès des ventes, des séries comme Naruto qui sont extrêmement populaires. Donc, et ça, c'est un aspect de cette culture-là. En fait, ce qu'on a l'impression du côté de Nadeshikan, qui a vraiment fait un intérêt grandissant, une curiosité grandissante, ou une frénésie peut-être même face à ce type de produit-là, à ce type d'offre culturelle-là. Il y a même une expansion au Québec, je crois, dernièrement, vu que le Japon, depuis 2010, ils ont décidé d'exporter près de 4 fois plus leur marché animé manga. Ils considéraient pour la première fois que c'était viable économiquement d'exporter leurs produits, tandis que pourtant tout le monde en dévorait. Le Japon vient de se remarquer que c'était quelque chose d'intéressant à exporter. Donc, c'est vraiment un phénomène qui grandit au Québec. Il y a Takuton à Montréal qui sont rendus à 13 000 festivaliers. Anime North à Toronto, 25 000 près. Et Anime Expo, je pense que c'est 60 000 environ en Amérique du Nord. Puis après ça, il faut aller ailleurs pour aller plus gros, genre Japan Expo à 210 000 personnes. Et comme organisateur d'événements de Québec, est-ce qu'on va dans des événements comme ça, dans ceux de Toronto, dans ceux de Montréal, pour essayer d'aller s'inspirer, d'aller voir un peu ce qu'eux offrent et ce qu'on pourrait ramener pour un public un peu plus restreint, évidemment, ici à Québec? Bien sûr. Moi, je suis staff, entre autres, à Utakuton, à Comic-Con de Montréal. Je suis allé à Anime North pour aider et découvrir c'était quoi le... Idol, Anime North Idol, où les gens doivent apprendre un concours de chant japonais, où les gens compétitionnent entre eux pour être le premier prix, le meilleur chanteur. Puis à la première édition de Anime North Idol, il y a 4 ans, la personne qui a gagné le premier prix a été contacté par les Japonais pour signer un album officiel au Japon. Mon Dieu. Donc, on va peut-être essayer de faire l'appareil à notre première édition du Nadeshikon Idol qui va avoir lieu au Festival Nadeshikon. Et parallèlement, qu'est-ce qui attire justement, ben, de ton côté peut-être comme organisateur dont tu es là-dedans, tu baignes là-dedans depuis plusieurs années, qu'est-ce qui attire vers cette culture-là? Qu'est-ce qui donne envie justement de plonger un peu dans l'univers de la culture japonaise au sens très large là, ici? Moi, c'est réellement l'exotisme qui m'a attiré quand j'avais peut-être 15-16 ans. Je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. J'ai vu une fille qui dessinait style manga, puis c'était parti. Manga, livre de tourisme, roman de type Miyamoto Musashi, La pierre, le sable, La parfaite lumière, bénévolat Expo Québec au pavillon du Japon, rencontre avec le consul japonais, rencontre avec le club Anime Québec, rencontre avec d'autres groupes qui voulaient partir des événements, puis paf. Bon. Et je veux même devenir éventuellement un coordonnateur culturel, soit dans un consulat ou une ambassade. Donc, je veux vraiment continuer à nourrir cette culture au Québec et ailleurs. Et si on avait à la décrire un peu, justement, cette culture-là, bon, au-delà un peu des stéréotypes, là, comment tu nous présenterais un peu la culture japonaise et celle que, au travers d'événements comme Nadeshikon, on essaie de présenter donc dans son équilibre entre ces éléments plus récents, plus traditionnels? Comment on la décrirait? Bien, je dirais que c'est un peu une confrontation entre l'ancien, le traditionnel et le nouveau, le moderne. Le Japon sont extrêmement liés à leur passé, c'est encore présent, même dans la communauté d'aujourd'hui avec les jeunes de 20 ans. C'est sûr et certain qu'ils s'y connaissent moins dans leur culture, c'est moins pratiqué, mais ça n'empêche pas que ces jeunes-là de 20 ans vont encore à des événements traditionnels, des festivals, des maturies. Une fois par année, ils se sentent vraiment un besoin d'y aller, puisque leurs parents y allaient tout le temps, un peu comme nous autres, on va à l'église à Noël. Donc, c'est un pèlerinage obligatoire. Ben, souvent, même les fans, les otaku, les gens qui sont très, très passionnés des animés manga, ils font des pèlerinages dans les endroits qui sont décrits dans les animés puis dans les mangas pour aller... C'est quasiment un tourisme à l'interne grâce à cette industrie qui est tout aussi impressionnante que Hollywood en comparaison aux États-Unis. Et qui influence beaucoup au niveau des styles vestimentaires, justement aussi au niveau des modes, au niveau des types d'accoutrements. On mentionnait tout à l'heure le style Lolita. Donc, c'est l'idée de s'habiller un peu, ben, le nom décrit, je pense, façon petite fille, année victorienne, à la limite. Oui. En même temps, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'au Festival Nadeshikon, on va avoir un défilé de mode pour mettre en avant-plan ce genre de genre style, que ce soit Lolita, Cyber, que ce soit un peu relié au Harajuku. Il y aura aussi on pourrait essayer de comprendre, c'est ça, c'est quoi les styles, voir un peu c'est qu'est-ce qui les distingue là, au-delà des termes qui les qualifient. Oui, et en même temps, il y aura une designer, Isabelle Drolet, de Pitré Fashion, qui vient d'ouvrir une boutique Malice aux Merveilles, dans la même boutique que le Fanamanga, mm-hmm. Une boutique merveilleuse que moi je considère un peu comme un paradis sur Terre pour tous les fans de la culture japonaise, fera aussi un défilé de mode à Nadeshikon. Et en même temps, pour ceux-là qui s'intéressent à tous ces aspects culturels-là, les mangas, les animés, tous les petits objets reliés, on aura une salle d'exposants, de marchands, d'artistes qui vont vendre toutes sortes de produits le samedi et le dimanche du festival. Et pour tous les fans du manga aussi, ceux-là qui connaissent un peu moins le phénomène, on aura un marché aux puces le vendredi de notre festival où ce que toutes les gens qui ont trop de stock, qui ont accumulé à travers les années, vont vouloir le vendre à prix modique. Donc, à ce moment-là, les gens qui ne s'y connaissent pas trop pourront essayer de s'y intéresser à prix abordable. Et parallèlement, donc, on le mentionnait aussi tout à l'heure, bon, il y a des événements à Montréal, il y en a de plus en plus aussi à Québec. Bon, il y a le Geek Fest, il va y avoir, en fait, des Comic-Con à Montréal. Il y en aura même un à Québec qui arrive le 25 et 26 octobre prochain au centre de congrès. On a déjà commencé à discuter pour collaborer, pour s'entraider. Et oui. Vu que eux autres, c'est un événement plus gros à but lucratif, eux autres, ils embarquent immédiatement au centre de congrès, donc ils ont beaucoup plus le financement. Donc, on pourra s'entraider mutuellement pour nourrir la communauté. Oui, parce que ça, l'idée, c'est justement de pas cannibaliser les fans ou de pas éventuellement faire une suroffre, mais que chacun ait, j'imagine, sa spécificité dans les événements de type geek, manga, Jap animation, etc. Ben oui, eux autres, ils nous permettent, exemple, d'avoir une table à leur événement, où ce que nous autres, on peut présenter l'aspect japonais, tandis que eux, ils ont une table à notre événement pour parler plus de l'aspect comic book, mm-hmm. qui quand même relate un peu entre les deux, mais qui quand même offre une diversité intéressante. Et donc, d'une certaine façon, ce qui vous distingue, c'est l'intégration de la culture traditionnelle, au bout du compte. Traditionnelle, très majoritairement, et populaire. Aux dernières nouvelles, c'est rare que Comic-Con a touché énormément l'aspect japonais. Comme Comic-Con de Montréal, il y avait un ou deux invités japonais et sur plusieurs dizaines. Ouais, sinon, c'est plus les comics américains, puis super-héros, etc. Donc, oui, et aussi les célébrités hollywoodiennes aussi qui ont. Et est-ce que c'est un événement, de la façon qu'on le décrit, j'ai l'impression que c'est autant un événement de découverte pour ceux qui connaissent pas du tout l'univers du Japon que pour ceux qui sont à plein dedans. Donc, c'est vraiment les deux types de publics peuvent se retrouver, peuvent se rejoindre sans que l'un soit effrayé de l'autre, là, si on peut dire. Il y a même des panels et des conférences et ateliers où ce que les gens pourront parler, genre cosplay 101 ou comment vraiment s'intéresser à certaines séries. Il y a une personne qui va parler des vieilles séries des années 80, 90. Donc autant la base que les trucs plus avancés. Là. Absolument. Il y a un peu de tout pour tout, vu que c'est des amateurs et des professionnels qui ont parlé de la chose. Alors, en fait, si les gens veulent voir un peu de détails là-dessus, sur l'événement, la programmation s'en vient également côté de détails, c'est au www.nadeshicon.ca. L'événement est du 4 au 6 avril, c'est du côté du pavillon Alphonse Desjardins, donc à l'Université Laval. Alors, Maxime Girard, donc responsable des communications, fondateur, l'un des fondateurs de l'événement également, merci d'être passé ce soir, nous parler de tout ça. Ça fait plaisir et juste avant de terminer, je voulais juste dire, on n'a pas parlé beaucoup, mais il y aura aussi Kiowa Québec, une mini maison d'édition qui sera présente à notre festival, qui fera plusieurs ateliers de type manga. Donc, si jamais vous avez des intéressés dans la ville de Québec ou ailleurs qui voudraient peut-être partir un manga, vous pouvez toujours les contacter ou les rencontrer. Et aussi, on aura La Revanche qui animera des jeux de société tout au courant de notre la fin de semaine. Alors, on lance l'invitation de manière élargie. Alors ben voilà, donc je rappelle, c'est du 4 au 6 avril et nous on repart en musique, toujours ici à La Vie en BD. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. On prend quelques instants pour porter un bref regard sur la programmation du Festival de la bande dessinée francophone de Québec qui commence tranquillement à dévoiler des éléments de sa programmation et surtout en fait des éléments de sa programmation spectacle. Alors en fait, on annonce trois spectacles au Musée de la civilisation de Québec. Donc vendredi 11 avril, un événement qui s'appelle La fièvre des planches qui va proposer une soirée avec au menu une rencontre qu'on annonce comme énergique et dynamique entre musique, danse et dessin en direct. Alors, on parle donc de la formation Odeur de Swing, donc spécialisée dans le swing des années 30-40. On parle de danseurs de la troupe Porto Swing et des dessinateurs Francis Dernet, J.F. Bach et Val Morancy qui seront sur place donc pour présenter une espèce d'alliage dans le fond où la danse va inspirer le dessin et va apporter donc à l'ambiance de ce spectacle. Donc ça risque d'être un métissage assez intéressant auquel j'ai le plaisir de collaborer. D'ailleurs, le lendemain, le samedi 12 avril, ben il y a deux spectacles à saveur impro BD. On vous en parle quand même de manière assez régulière ici à l'émission. Alors, impro BD, d'un côté, dans une perspective d'un spectacle long, de l'autre, dans la perspective d'un match régulier. Alors, pour le match long, c'est à 14h, et c'est un peu dans l'esprit de ce dont on vous avait parlé il y a quelques semaines, donc improvise-moi une BD. Alors, ici, c'est une collaboration entre le Festival de la bande dessinée francophone de Québec et Lyon BD. Donc, pour un spectacle de création BD en direct qui s'appelle Les planches sur l'Atlantique. Alors, on parle de quatre dessinateurs, en fait, Laurent Véron, donc, qui a repris la série Boule et Bill, d'ailleurs, Guillaume Long, qui est spécialisé du côté de la BD culinaire, Jimmy Beaulieu et Bach, donc qu'on connaît Jimmy de par notamment Comédie sentimentale pornographique, Bach évidemment avec ce livre qui s'en vient en avril. Il y a quatre comédiens également, donc deux comédiens de Lyon, deux comédiens de Québec, qui vont s'unir pour créer une œuvre inédite et entièrement improvisée. Donc l'idée est de donner vie à une bande dessinée à tous ces personnages, en dessin et sur les planches, en respectant des contraintes qui sont imposées par le public. Alors ça c'est le 12 avril à 14h. Et le soir, donc c'est vraiment fait quand même une pléiade de spectacles, vraiment. Donc le soir, c'est la désormais traditionnelle impro BD, donc dans un format mini-tournoi qui est de retour. Donc ça, c'est à 20h. Et on parle d'équipes d'improvisateurs qui vont venir de Québec, qui vont venir de Montréal, qui vont venir de France également. Alors des comédiens issus évidemment de la Liki BD, issus également de d'autres sphères. On peut penser notamment à la Ligue nationale d'improvisation du côté de Montréal, à la scène des ménages du côté de Lyon, entre autres. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu le concept, eh bien, vous pouvez aussi profiter d'un match qui s'en vient, donc, ce lundi 17 mars à 20h au Cercle, donc match régulier. Et sinon, pour le mini-tournoi, ça va au 12 avril. Et enfin, il m'en reste deux et trois trucs à annoncer. En fait, c'est vraiment une grosse programmation cette année. Alors, ça, c'est pour le 12 avril. Le 13 avril, on part du Musée de la Civilisation et le festival vous invite plutôt à aller au Musée national des Beaux-Arts du Québec, donc pour une journée où il y aura animation au musée qui n'est pas encore dévoilée et où il y aura également un spectacle à 14h qui s'appelle Contabule, qui est un métissage entre le conte, la musique et le dessin. C'est un concept qui a été imaginé par l'auteur breton Jean-Claude Fournier, notamment qui a offert des BD de Spirou. Alors c'est présenté en collaboration d'ailleurs avec le Festival Quai des Bulles de Saint-Malo, un spectacle qu'on décrit comme unique qui fera plonger le public dans l'univers de la conteuse Yolène avec illustration en direct de Philippe Girard. Et côté musique, ce sera Todd Picard. On se donnera l'occasion sûrement d'en reparler en cours de route. Et en fait, dernier spectacle qu'on annonce, c'est le jeudi 10 avril à 20h. On parle de dessin en direct et effeuillage burlesque. Alors en fait, donc c'est la troupe Burlestaculaire qui va explorer l'univers de la bande dessinée du comics à travers ses costumes et ses numéros d'effeuillage. Donc on parle d'effeuillage peut-être de la Castafiore, de Tornade dans X-Men, de Catwoman, Poison Ivy, Claudia Schiffer dans Spirou et plusieurs autres. Alors des numéros conjoints autour de la thématique de la bande dessinée, mais où certes il y aura les feuillages, mais également où il y aura dessin. Donc ils seront accompagnés au dessin par Jimmy Beaulieu, par Julien Paris-Sorel, par Valmorency et par Boulet. Alors ce sera intéressant de voir comment ce métissage-là va se passer. J'ai eu l'occasion de travailler un peu sur ce concept d'ailleurs au fil des dernières semaines et j'ai beaucoup de très très beaux espoirs. Donc ça, les billets sont en vente à la billetterie du Petit Champlain. Alors voilà pour ces clins d'œil. Je m'en permets un dernier. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur la programmation du festival, eh ben il y a l'annonce officielle qui est programmée pour la semaine prochaine, donc mercredi 19 mars. C'est à partir de 18h au Studio P, donc sur la rue Saint-Joseph-Est. Alors, ce qu'on annonce, c'est une soirée de lancement, donc à saveur festive. Il y aura dévoilement de la programmation, des auteurs invités, des activités, expositions, etc. Mais également, pendant tout le long de la soirée, on va avoir 16 auteurs et plus qui vont travailler à la production d'une bande dessinée, d'une œuvre collective en cadavre exquis. Donc, chaque dessinateur est responsable d'une planche, donc d'une case de la bande dessinée. Et chaque dessinateur a une quinzaine de minutes pour réaliser sa case. Ensuite, l'ensemble des cases est exposé et sera aussi édité.

nous ce soir pour parler un peu de son travail et de sa résidence ici à Québec. Lorraine Kentrick, bonjour. Bonjour. Alors, ben, peut-être justement, amorçant avec votre avec les raisons de votre passage ici, vous travaillez sur un nouvel album jeunesse, sur l'histoire, je crois, d'un barbu et d'une princesse. Donc, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors, c'est pas vraiment une princesse, c'est plus l'histoire d'une petite fille qui demande à son grand ami le barbu, un gros monsieur avec une grosse barbe, de lui raconter une histoire parce qu'elle n'arrive pas à s'endormir. Et ça aussi, c'est plutôt un prétexte, en fait, à un voyage du barbu qui, pour essayer de trouver une histoire, parce qu'il a l'impression de ne pas en connaître, va partir à l'intérieur de lui-même pour essayer de trouver une histoire qu'il connaissait il y a longtemps. Donc voilà, c'est un peu le voyage d'un personnage à l'intérieur de son... de ses souvenirs, de son cœur, de ses vieilles histoires, pour essayer de trouver une histoire pour la petite princesse. Et donc, cette histoire de voyage, vous la créez vous-même en voyage? Voilà, exactement. et j'imagine toujours un plaisir dans la création, justement, de se distancer de son quotidien pour aller créer ailleurs, dans un contexte où il y a une emphase peut-être un peu plus accrue sur le travail ou sur... l'idée de sortir du quotidien, à tout le moins. Ben, sortir du quotidien, avoir le temps de se consacrer entièrement à un projet, ça c'est aussi une grande chance et un luxe, parce que voilà, quand on est chez soi dans le quotidien, justement, on est pris par les petits trucs du quotidien qui fait que se plonger entièrement, être complètement immergé dans un projet, c'est beaucoup moins facile que lors d'une résidence comme celle-là, par exemple, ouais. Et au fil des projets, pour ceux qui n'ont pas encore l'occasion de vous connaître, mais qui, je l'espère, au fil de l'entrevue, ont envie de découvrir un peu ce que votre travail, il faut dire que vous illustrez des textes d'auteurs assez variés, donc des auteurs contemporains comme Christos, vos textes aussi, des auteurs plus historiques comme Rimbaud également. Donc j'imagine que c'est le genre d'exercice où, quand on passe d'un auteur à l'autre et d'un contexte à l'autre, ça devient une approche quand même relativement différente côté travail, côté dessin. Côté réflexion derrière le dessin? Oui, c'est différent. Mais de toute façon, chaque album, chaque création d'album est différente. C'est vrai que moi, je commence juste à être un petit peu auteur de mes textes, mais là, je suis principalement illustratrice. C'est sûr que quand on peut communiquer, dialoguer avec l'auteur, c'est pas la même chose que quand l'auteur est mort, hein, par exemple, voilà, comme Rimbaud, Victor Hugo ou Maurice Carême. Mais du coup, c'est une autre façon de s'approprier le texte aussi, et donc c'est une approche différente, et en même temps, comme elles sont toutes différentes, moi j'ai l'impression que chaque texte est différent comme approche. Ça, voilà, c'est juste finalement, on s'approprie presque plus le texte quand on peut pas dialoguer avec l'auteur. Oui, en fait, il y a personne pour, outre les questions intérieures de est-ce que Rimbaud aurait aimé ça, voilà. Ben, comme on peut pas le faire valider, ben, faut assumer que oui. C'est ça. Après, il y a un dialogue avec l'éditeur quand même. Dans ce cas-là, surtout pour celui de Rimbaud, c'était quand même une commande au départ de l'éditeur. Alors moi, c'était un texte que j'avais appris petite et que j'aimais beaucoup, donc j'étais très honorée et très contente de l'illustrer. Mais il y a eu un dialogue avec l'éditeur quand même aussi. Voilà, je me suis pas retrouvée toute seule face à ce poème. Et en même temps, je cherchais une parenthèse parce qu'on parle quand même d'illustrer un poème et j'ai l'impression que ça doit être un exercice assez périlleux dans la mesure où la poésie, c'est tout en évocation. Donc comment est-ce qu'on risque de surévoquer avec le dessin en plus qui lui aussi vient un peu dans l'évocation, dans l'illustration de tout ça? Oui, c'est vrai que pour ça, c'est la poésie, c'est pas si facile. Après, c'est aussi des images, la poésie. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois quand je lis de la poésie. Ça m'évoque de toute façon des images. Donc, c'est presque naturel de les mettre en images. Après, c'est aussi beaucoup une question d'interprétation. Donc, finalement, la difficulté, par exemple, pour Rimbaud, moi, je trouve que c'était plus dans essayer de retranscrire aujourd'hui un poème qui date de 1870, mais qui a un message fort. De toute façon, voilà, dans ce poème, comme ça peut être le cas en poésie, là il y avait un message très fort de dénonciation, enfin de ce qui se passait, voilà, ces enfants qui sont tout seuls dans la rue, qui ont faim, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de toit. C'était le remettre au goût du jour. Et puis la difficulté, surtout pour celui-là, c'était de transmettre en album pour la jeunesse, donc avec des doubles pages et des illustrations, un poème qui finalement est pas si long et qui se passe toujours au même endroit devant le soupirail de cette boulangerie dans les rues de Paris. Donc ça, c'était plus ça le challenge que la poésie finalement pour moi, c'est plus ça évoque des images et des interprétations, donc ça donne envie en tout cas de chercher des images à illustrer. Exactement, l'idée en fait c'est plus dans la transposition, dans essayer de dynamiser un peu une certaine action ou d'amener une certaine action dans ce qui peut être un poème un peu plus impressionniste à certains égards, donc de trouver le bon équilibre dans le fond. Oui, c'est ça, trouver un équilibre, et puis après c'est mon interprétation à moi, je dis pas que c'est celle de tout le monde. C'est le cas, enfin j'ai aussi illustré des poésies de Maurice Carême qui là sont beaucoup moins fortes au niveau du message, c'est des petits poèmes sur la nature. C'est un poète qui est beaucoup appris à l'école dans les petites classes, et là je me suis, par contre là, je m'amuse à rajouter des histoires dans les images pour raconter aussi autre chose à côté de ce voyage dans la nature que ça peut représenter, ces petites poésies sur la nature, justement. Et sachant aussi, en fait, j'ai l'impression, du moins dans mon contact avec les livres illustrés, avec l'illustration jeunesse, le premier contact est pas du tout avec le texte, c'est avec le visuel. Enfin, on accroche, on aborde l'histoire par le visuel, ensuite on découvre le texte, comparativement peut-être à d'autres types de littérature illustrée, où là, on va peut-être passer, il y a des chances qu'on passe peut-être par les bulles en premier, par le texte, ensuite en venir au dessin. Donc dans ce cas-ci, c'est à mon sens, c'est l'illustration qui a un peu la part du lion. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on dit en littérature jeunesse, en tout cas pour les albums. Après, c'est moins vrai pour les romans et tout ça. Mais c'est vrai que moi-même, je suis souvent attirée par une couverture quand je regarde des albums jeunesse, enfin ou même des albums d'illustration tout court. Justement, c'est assez drôle parce que en ce qui concerne mes albums, illustrés de Rimbaud ou de Victor Hugo ou de Maurice Carême, je crois que là, le nom de l'auteur attire aussi les gens. Donc là, c'est autre chose. Ça peut être aussi justement parce que c'est Arthur Rimbaud, parce que c'est Victor Hugo que les gens ouvrent le livre. Donc ils sont curieux de voir qu'est-ce que vous en avez fait. Oui, oui, oui. Donc ça fait une pression supplémentaire pour l'illustratrice, c'est ça. Là, parce c'est que il y a des attentes. C'est ça. Ça fait presque peur même au début. J'avoue que les premiers salons, les premières rencontres que j'ai fait, Les Effarés d'Arthur Rimbaud, c'était mon tout premier. Alors j'avais fait un album avant qui est épuisé aujourd'hui, mais qui était sans texte. Donc pour le coup, j'étais pas du tout confrontée au problème de l'auteur et du texte. Les Effarés de Rimbaud, c'était mon premier, et j'avoue qu'en salon, j'avais un peu peur de la réaction des gens face à Arthur Rimbaud, quoi, justement. Et en même temps, j'ai l'impression que dans certains albums aussi, il y a un équilibre qui va différer selon la nature de l'ouvrage entre le texte et le dessin. Si on prend juste en fait les deux sur lesquels je suis tombé récemment, un ami donc chez Didier et le Mangeur de son au 400 coups. Dans le Mangeur de son, le texte est beaucoup plus important, le dessin devient peut-être plus un dessin d'ambiance pour enrichir un peu le texte. Dans un ami, on peut suivre l'histoire simplement par le dessin, et le texte vient ajouter un peu, donner une portée additionnelle au dessin qui est présenté. C'est deux rapports quand même assez distincts. Oui, c'est différent. Après ces deux albums-là, il y a aussi la différence. Le Mangeur de son, donc c'est un texte d'un auteur, Christos. Et c'est vrai que son texte est déjà très, très fort. Il est très musical. Bon, il rime. C'est un ancien musicien, Christos. Donc il est très dans la musique du texte aussi, dans le rythme des mots. Et puis lui, je l'ai rencontré, c'est lui qui est venu me chercher en fait pour faire les illustrations de son texte, donc on a beaucoup parlé aussi, il a apporté sa vision des choses sur les images, il avait vu des images à moi qui lui plaisaient, donc il m'a aussi orienté dans la façon d'illustrer, parce que moi c'est vrai que j'aime bien toucher à tout, je fais pas toujours j'utilise le collage ou la peinture ou le dessin au trait, ça peut être très chargé en ce qui concerne les collages, comme ça peut être très simple, juste un trait noir comme pour dans un ami par exemple. Donc déjà, j'étais orientée au niveau de l'illustration, et c'est vrai que l'illustration servait plus le texte dans ce cas-là. Alors qu'un ami, pour le coup, c'est un projet personnel, et c'est l'image qui a... Ça a commencé par l'image, en fait. C'est-à-dire que j'avais l'histoire de l'album en tête à travers... D'ailleurs, le texte, c'est pas vraiment une histoire, c'est plus, comme vous disiez, des petites citations, on va dire, des petites... sur ce qu'est un ami, mais la vraie histoire, elle est racontée par les images. Ça a même failli être un album sans texte. Et voilà, j'ai rajouté les... Ça permet de préciser peut-être le message, ou préciser ce que vous voulez amener à travers les images grâce au texte. Donc, il y a des éléments, en fait, le non-dit, ce qui passe peut-être dans l'esprit du personnage, dans l'esprit des enfants qui peuplent l'album, qui deviennent nécessaires de préciser parfois pour enrichir, pour apporter une autre dimension, pour apporter une autre interprétation peut-être à l'image aussi. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, parce que j'aime bien quand il y a plusieurs sens aussi. Donc alors c'est aussi venu parce que j'avais fait beaucoup d'ateliers avec des enfants sur le thème de l'amitié justement. Donc quand j'ai fait cet album avec les images au départ sur qui raconte l'histoire d'une petite fille qui a pas d'amis au début et qui du coup s'en crée un imaginaire pour pouvoir ensuite aller s'en créer des vrais. J'ai repensé à ces ateliers que j'avais fait avec les enfants où ils m'avaient donné leur définition de ce que c'était un ami pour eux et j'ai retrouvé mon carnet où j'en avais noté quelques-unes parce qu'il y en avait des vraiment chouettes et ça m'a donné envie en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite dédicace à ces enfants-là à la fin de l'album, parce que finalement j'ai un peu emprunté leurs citations pour certains, puis j'en ai créé d'autres mais qui venaient de ce que les enfants me disaient justement sur l'amitié. Donc là c'était juste pour Et donc oui, quand on voit la petite fille toute seule sur sa balançoire alors que le texte en dessous dit qu'un ami c'est là pour jouer avec nous, il y a une différence entre le texte et l'image, mais ça a du sens quand même, quoi. Puis en même temps, c'est intéressant justement l'idée d'aller chercher la part des enfants, parce qu'on, dans le fond, vous vous adressez à eux d'abord et avant tout, pas à leurs parents pour qu'ils trouvent une morale et le reste. Donc c'est à l'enfant. Donc si on parle à l'enfant de son langage, de ses préoccupations, ben nécessairement il y a déjà une proximité entre l'enfant et le livre à travers son sujet, à travers la manière de proposer ce sujet-là. Bah, en tout cas, c'est ce que j'espère, moi. Oui, je préfère m'adresser aux enfants, effectivement, qu'aux prescripteurs, aux parents, ou aux bibliothécaires, aux libraires et tout ça. Mais ça, après, c'est pareil, c'est une question de goût aussi. Hein, ça va pas parler à tous les enfants. Et puis, voilà, quoi. En même temps, est-ce que c'est une gymnastique qu'on a en tête quand on travaille, justement, du côté de la littérature jeunesse, du côté de l'illustration jeunesse, dans la mesure où souvent les premiers contacts qui vont être faits pour ces livres-là avec les enfants, bon, c'est soit les dessins, soit dans l'apprentissage de lecture, ou sinon dans des textes qui vont être portés à la lecture par des parents, par des pédagogues, par des amis, etc.? Après, je sais que mon expérience est beaucoup facilitée maintenant avec toutes ces rencontres que je fais dans les classes, dans les écoles et dans les bibliothèques et les médiathèques où je suis invitée. D'ailleurs, je suis très reconnaissante d'en faire plus en plus parce que ça permet d'avoir un rapport plus direct au public, justement, des livres. Après, je trouve ça bien aussi qu'un album jeunesse plaise à tout le monde. C'est pour moi un album jeunesse, c'est pas que pour les enfants non plus. Donc, c'est bien que ça s'adresse à plein de gens. Et puis surtout, c'est que ce que je vois dans mes expériences, c'est que des albums qu'on m'a dit être pour les plus grands peuvent plaire à des tout petits, et puis vice versa, hein, des albums qui sont censés être pour les tout petits qui plaisent aux grands. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de règles. C'est ça qui est chouette. Et après, je trouve, il faut pas perdre de vue non plus le fait que c'est pour les enfants et pas pour une mode ou je sais pas, voilà. Oui, parce qu'en même temps, ça permet d'offrir des choses quand même assez éclatées. Vous le disiez tout à l'heure, en fait, avec les médiums que vous exploitez, donc vous permettez d'avoir un changement de style assez drastique d'un album à l'autre, de pas vous encarcaner dans une signature. Il y a beaucoup de possibilités au niveau narratif, visuel, texte, beaucoup de texte, un peu de texte, beaucoup de public aussi. Donc j'ai l'impression parfois qu'on se lance un peu sans filet là-dedans, dans une création avec autant de possibilités, si on peut dire, parce qu'il y a peu de cadres, finalement. Oui, on se lance un peu sans filet, puis des fois, le projet évolue complètement en cours de route. Il ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait en tête au départ, mais moi, c'est vrai que j'aime bien. Je ne fais pas que de l'illustration jeunesse, je fais de la... Voilà, je dessine aussi pour d'autres... Enfin, d'autres choses, d'autres publics. Je fais aussi des poupées sculptures qui s'adressent à un public plus pour adultes. Et donc finalement, maintenant, je me rends compte que quand je fais n'importe quel projet, il y a un petit peu tous ces univers-là qui se mélangent malgré moi, finalement. Mais c'est pas inintéressant parce que justement, ça apporte d'autres pistes, d'autres explorations que j'aurais pas envisagées si j'avais pas fait, par exemple, pas telle exposition avant de faire ce projet de livre, ou si j'avais pas rencontré telle personne avant de faire cette exposition. Enfin voilà, c'est ça qui est bien aussi. Donc c'est sans filet, mais c'est ça qui est chouette. Oui, puis on se nourrit de la variété. Voilà, dans le fond, dans exactement. Tout ça. Et en même temps, pour vous, j'imagine que ça évite aussi de tomber dans une routine créatrice ou de dire bon, ok, c'est mon style et je dessine ça pendant 10 ans puis j'en sors pas. Voilà. Oui. Alors après, j'espère que je vais pas trop m'écarter d'un univers non plus, parce que ça manquerait peut-être de sens, mais en tout cas, explorer de nouvelles techniques, de nouvelles façons de faire, ça, ça me plaît, et puis j'ai envie de continuer comme ça. Oui, j'étais tombé d'ailleurs sur une citation de vous où vous disiez que votre style, c'était un peu la récupération, entre oui, guillemets. La récupération, ça, je dis ça parce que je récupère beaucoup de papier dans les albums que j'illustre en collage, c'est beaucoup de papier de récupération, justement. Et beaucoup de papier de récupération parce que j'aime bien les papiers, j'aime bien les motifs, les imprimés, les textures. Donc c'est vrai que j'ai toujours récupéré plein de papiers, gardé plein de papiers, même d'emballage, de fromage, dans le mangeur de son, c'est du papier de camembert qui sert de serviette à l'ogre qu'on voit tout le temps. Et en plus, c'est bien parce que quand je fais des ateliers avec les enfants, je me rends compte que, en général, je leur dis de rapporter du papier de chez eux, n'importe quoi, du papier journal, du papier de livre, du vieux papier musique, enfin, pas déchirer les livres neufs, évidemment, mais... Et ça leur... Je vois bien que ça les inspire aussi, la récupération, et puis le collage, c'est quelque chose qui est peut-être plus facile à aborder pour les... que le dessin en lui-même, peut-être. Oui, une dynamique ludique, peut-être, dans sa composition... Parce qu'on déplace des éléments physiques, parce qu'on essaie de voir qu'est-ce qui peut s'agencer, comment, etc. Oui, voilà. Et puis que c'est un peu, ça donne toujours quelque chose de beau. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que les enfants le voient, je crois. Moi, c'est l'expérience que j'ai en atelier, c'est qu'au début, ils se disent qu'ils savent pas dessiner, puis à la fin, ils sont contents parce qu'ils ont fait quelque chose de beau en collant leur papier. Puis ça vient aussi, je pense, la récupération, ça vient aussi du fait que comme je fais aussi, des sculptures, des poupées, je récupère des bouts de tissu, donc des fois les bouts de tissu, ils finissent dans une illustration pour un album au lieu de finir sur une marionnette. Enfin bon, c'est de la récupération pas mal. Et donc, est-ce que ça veut dire aussi que vous y allez surtout, Lorraine Cantric, à l'instinct, quand vous abordez un album, en fonction évidemment de l'auteur, du texte, de la nature de la chose, ou est-ce qu'il y a quand même une bonne recherche visuelle pour essayer de trouver, comme par exemple dans le cas de l'ogre du mangeur de son, mais de trouver qui va être, comment on va le composer, comment on va le développer, ce personnage-là? Oui, il y a quand même une recherche, c'est-à-dire que, en fait, quand j'illustre quand je commence à illustrer un texte qui n'est pas de moi, ce qui est quand même plus souvent le cas, je lis le texte, puis je le referme, je le laisse quelques temps comme ça, puis j'attends qu'il y ait des idées qui viennent un peu toutes seules, on va dire. Puis là, après, j'ai un carnet, à chaque fois que je commence un nouveau projet, j'ai un nouveau carnet, comme ça, je mets tout au même endroit et je m'y retrouve. Et je laisse un petit peu les premières images arriver toutes seules. Après, je reprends le texte, je le fractionne en fait en double page, on va dire, pour l'album. Et là, je reprends mes idées à partir de ces séquences-là, en fait, de ces double pages qui vont devenir les planches de l'album. Et c'est vrai que, alors, il y a plusieurs critères. Il y a le fait que, par exemple, à ce moment-là, j'ai envie d'explorer ça comme technique, donc je vais essayer. Il y a la discussion avec l'auteur aussi de ce que lui préfère comme style, on va dire, dans ce qu'il connaît de moi. Et puis il y a les inspirations du moment, qui viennent toutes seules. Et donc ça veut dire que pour la résidence à Québec autour de votre histoire de Barbie, de petite fille, mais vous avez votre carnet déjà, vous êtes parti en avion avec votre carnet, vous composez tranquillement. Oui, parce que pour la bourse résidence, j'ai quand même proposé un dossier avec ce projet-là, et j'en étais au moment du chemin de fer, en fait, le storyboard, en fait, de l'album. Donc, j'avais déjà fait des crayonnés vite fait de toutes les doubles pages que je voulais faire. Mais alors, c'est rigolo parce que du coup, j'avais fait ça il y a quelques mois. J'ai eu plein d'autres projets entre temps. Donc, j'avais laissé un peu la princesse et le barbu de côté. Et puis là, en arrivant à Québec la semaine dernière, j'ai repris mon carnet avec tous mes dessins, donc, qui étaient remplis des premiers dessins et puis du chemin de fer un peu plus réfléchi. Puis voilà, c'est rigolo parce que justement, quand on laisse passer un petit peu de temps, on se rend compte de ce qui va et de ce qui va pas. Et là, je me suis bien replongée dedans. Hein, ça, c'est l'avantage de la résidence où on a du temps. Et il y a quelques trucs que je garde et quelques choses que je change. Ça a un peu évolué tout seul dans ma tête sans que je m'en rende compte. C'est le chemin de fer évolue sans que le train déraille. Voilà. Enfin, ça, on verra, j'espère. Et d'ailleurs, en fait, les gens, s'ils veulent aussi explorer avec vous votre approche de travail, vos réflexions face au travail d'illustration. Il y a quelques rendez-vous assez différents, en fait, notamment le 18 mars à la bibliothèque Gabriel Auroi. C'est une rencontre d'auteurs où là vous allez parler spécifiquement du processus d'illustration en poésie. Ensuite, il y a aussi le 16 avril où là vous allez parler plutôt du mariage entre image et écriture. Donc vraiment deux occasions d'explorer deux axes, on peut dire, distincts de votre travail. Vous allez être évidemment aussi au Salon du Livre de Québec du 10 au 13 avril prochain. Mm-hmm. Donc, ça vous a donné en fait quelques semaines pour arriver, pour plonger dans le travail avant de tomber dans les rencontres justement qui viennent avec la résidence. Oui, après les rencontres, elles sont riches aussi. Enfin, moi, c'est pas quelque chose qui m'empêche d'avancer non plus. Donc, et surtout que voilà, maintenant j'ai l'impression que ce métier d'illustrateur jeunesse, en tout cas pour ma part, c'est justement ce mélange-là, le mélange entre les moments dans l'atelier où on travaille plutôt seul justement et les rencontres. Alors là, c'est bien, je vais faire des rencontres un peu différentes, je vais rencontrer un public adulte par exemple, ce qui n'est pas souvent le cas d'habitude en France. En tout cas, je rencontre beaucoup plus des élèves dans les classes et dans les médiathèques que des plus petits. Mais c'est toujours un chouette moment aussi, les rencontres, et puis parler de son travail, ça permet aussi de remettre les choses en perspective, ouais, et de continuer bien sur la route de ce qu'on avait commencé à faire, justement. Et dans des résidences comme celle que vous êtes en train de faire à Québec, est-ce qu'on vient chercher aussi un réseau, des contacts, à élargir un peu, disons, son annuaire de pratique ou... Ah bah oui, ce serait l'idéal aussi, c'est de rencontrer... Enfin, après, voilà, les rencontres sont toujours riches aussi. Moi, je connais le travail de plusieurs illustrateurs... au Québec, que j'aime beaucoup. Je sais pas si j'aurai l'occasion de les rencontrer ou pas. En tout cas, ça me ferait plaisir. Et oui, c'est, alors moi, c'est marrant. J'ai un éditeur québécois, du coup, hein, c'est un peu, voilà, les 400 coups. Donc, je vais aussi les rencontrer en vrai. Je suis assez... Vous êtes la première fois? Alors, j'ai rencontré le Simon de Jocasse vite fait sur le salon de Montreuil, à l'automne, à Paris, là, mais, en coup de vent. Donc, oui, je suis assez contente aussi de rencontrer l'équipe pour de vrai. C'est plutôt chouette. Et puis, de rencontrer d'autres auteurs, d'autres illustrateurs, d'autres éditeurs, c'est toujours chouette, ouais, pour le réseau aussi. Alors, on vous souhaite une bonne poursuite de résidence, évidemment, avec donc un petit rappel pour les auditeurs. Donc, le 18 mars, on rencontre Illustration et Poésie à la bibliothèque Gabriel Auroi. Le 16 avril, où on va parler donc d'images et d'écriture, toujours à la bibliothèque. Et également, mais pendant le Salon du Livre, vous l'avez mentionné, vous allez être au kiosque des 400 coups. Également, Lorraine Cantric, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne suite de résidence. Merci. Et nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. On sera de retour évidemment vendredi prochain avec des regards fort particuliers sur le Festival de la bande dessinée francophone de Québec. On donnera un petit a priori à différents spectacles, différents événements aussi. Donc ça animera nos rencontres à venir au fil des prochaines semaines. Alors c'est Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce vendredi soir et je vous laisse entre les mains de Jean-Sébastien Grondin pour Soulfinger.